KIF. 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Allez, bonsoir, bienvenue. 20h02. On est en direct sur KIF, soyez les bienvenus. L'émission s'appelle La Trappe. Je m'appelle Jadoul. Vous découvrez pour la première fois ce nouveau rendez-vous du mercredi. Mercredi, 20h, 22h. On est là pour vous accompagner à travers tout Bruxelles. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis pas seul parce que ça aurait fait long quand même durant 2h. Mais juste avant de te présenter, est-ce qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas de travaux là ici à côté de nos studios? Pas du tout. Parce que je pense que ça n'a pas été le cas partout. Figure-toi que sur une chaîne d'infos en France, CNews, ils n'ont pas fait cette petite checklist juste avant l'émission, ce qui a donné ceci. Ce qui me surprend, c'est qu'on a toujours eu une réflexion strictement économique. La perceuse quand je parle. Les travaux. C'est un nouveau truc de travaux. Pascal, c'est quand il n'aime pas les gens. C'est quand il aborde et qu'on parle, ouais. Arrêtez. Ouais, vous avez bien entendu, une énorme perceuse dans le fond. On pourrait se dire... C'est le dentiste en fait, il y a un dentiste à côté. Un gros dentiste. Ça s'arrête là. Ben non, ils ont quand même tenu 10 minutes avec la perceuse. Écoutez, faut jamais mettre les téléspectateurs en dehors de ce qui se passe. On a déménagé. On est d'abord superbe. Là où on est, vraiment, c'est un magnifique. Il n'est pas d'accord. C'est absolument magnifique. Il est pas d'accord. On a un siège canal plus qui est absolument formidable. Il faut dire qu'en dehors de ce studio, c'est un chantier absolument. Ça fait rien. Et, si, si, il y a quand même quelque chose. Il y a une dizaine d'ouvriers qui sont en train de couler du béton, faire des trous. Ça se passe très bien. Mais je me dis que ça fait quand même un moment que Canal+, le groupe, a inauguré son nouveau siège à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Enfin, ça... Ah, c'est pas récent, Pascal. Il y a toujours des... Voilà, on a déménagé il y a un mois. Donc, évidemment, il y a encore quelques petits changements. C'est difficile, d'ailleurs, pour nos amis de la régie. Et je les félicite parce que c'est pas rigolo pour eux. Attention. Ceux qui sont en train de... Je sais pas si ça passe à l'antenne. Le bureau de la direction, c'est très long à faire. Ça passe à l'antenne. Et régulièrement, on a des travaux. Ouais, bah régulièrement aussi, c'est le seul truc qui anime l'émission, tu vois. Non, mais t'imagines si nous, on avait ça ici? Ah ben moi j'ai déjà travaillé dans une radio, ils ont fait ça en même temps que je suis à l'antenne, je peux dire que c'est perturbant. Ah bon. Mais je pense que ce que vit Pascal Pro, c'est ce que j'ai vécu en fait, c'est-à-dire que tu l'entends énormément parce que t'es sur place. Oui, sur place, oui. Mais à l'antenne ça s'entend pas tellement. Donc franchement, le plus important, c'est de garder son calme dans ces moments-là. Non, il a un travail pénible. Cette personne a un travail pénible. Voilà. Ce que je disais juste, c'est que j'étais sur... Il faudrait le faire venir, le monsieur qui est en train de faire de la... Oui, on dirait quelque chose. Oui. Mais voilà, on sache l'avancement des travaux, quoi. Où on est l'avancement des travaux? Faire un point travaux. Un petit point travaux, tu vois, genre l'envoyé spécial de BFM. Non, de CNews, pardon, excusez-moi, le concurrent. Bah, bravo, bravo, j'adore, bravo. Eh bah, d'ailleurs, bonsoir, Kix. Bonsoir. Alors, est-ce que toi, tu as ce genre d'outil? Bah, bien sûr, attends. Tout ça. Attends, j'ai son moi, attends. Hop. Ouais, ça c'est... Ah non, attends, je me suis trompé, attends, je prends l'autre. Ah non, non, toujours, bah non, toujours je pas. Pense non. Que, je pense qu'on n'est pas bon là, ça va pas. Tu feras gaffe, hein, c'est un peu l'humour CNews ça quand même. Hein. Bon, vous écoutez La Trappe, il y aura plein de choses dans l'émission ce soir. On va parler de vos jeux vidéo d'enfance. Oui, vous avez sûrement un jeu vidéo, on vous le dit comme ça directement, vous pensez... voilà, moi je vous dirai le mien en fin d'émission, parce que je suis pas vraiment gamer. Hein, donc, Non, moi non plus, je suis sûr, moi non plus de base. Voilà, on a des souvenirs lointains de jeux vidéo. On a des bases. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai envie de le dire quand même. Faut savoir que Jadoul a déjà joué à GTA et que non mais c'est dingue hein. Non, le gars le, si le gars il arrive quand même à prendre la manette et à respecter tous les codes de la route, mais il a pas le permis hein. Franchement il a pas le permis mais il arrive à respecter le code de la route sur GTA, il laisse passer les passants et tout. Non mais on va où là, on va où? Sérieusement. C'est vrai que je viens de m'en rappeler, c'était un nouvel an, on avait arrêté de foutre que je jouais à GTA. Et c'est vrai que ouais, c'était encore un grand succès. Donc il y aura plein de choses dans cette émission. Par contre, moi aussi j'ai un titre à te présenter. Attends deux secondes. Okay. Juste pour finir sur les jeux vidéo d'enfance, on attend vos messages vocaux sur le WhatsApp de la radio 02 315 10 15. Vous envoyez vos messages vocaux là-dessus et on écoutera tout dans un instant. Racontez-nous c'est quoi le jeu vidéo d'enfance que vous avez, ou alors même celui que vous donnez à vos enfants là actuellement. Ok, parfait. Okay. Bah, regarde-moi vraiment. Donc tu lances maintenant le son que j'avais prévu. Non, mais c'est pas pour grave. Toi. C'est quoi? Ne le faisons pas. J'adore, je suis fan de lui. Dans un instant, on aura aussi, comme d'habitude, nos séquences traditionnelles. Le Blindlet, c'est un blind test, mais qu'avec des gens mauvais. J'ai hâte. On écoute une cover, on essaie de deviner ce que c'était à la base. Tout ça, ça se passe évidemment en direct sur KIF avec vous. Oui. Évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Bon, je sais pas si elle gagne. On gagne pas, c'est ça le problème. C'est qu'on gagne pas. C'est ça, du moins, on a essayé. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Vous l'avez entendu, on a toujours pas les bons jingles. Hein. C'est 40 slow. C'est Oh que c'est bon, Beyoncé. On l'écoute maintenant sur KIF. Dans un instant, on aura aussi Soul King. C'est la bonne nouvelle. Beyoncé, d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Oh. Elle a de la voix, la Beyoncé. 20h22, c'est la trappe sur KIF. Dis tes gars, moi je sais pas faire ça, des voix off. J'ai juste imité le rire de François Damiens, à la limite. Tu sais, fais bien. Ouais, bah, c'est quand même pas si mal. Bah, oh, moi j'aime bien. Mais faut le voir en vrai. Hein. Ah, ça, faut le voir en vrai. Toi t'as eu cette chance. Je ne l'ai pas eu. Quand ça a enregistré cette jingle, la langue qui sort, bah, c'est. Ah, carrément, oui. Ah, oui. Bah, vraiment, visuellement. Ah, comme, j'ai une belle image là maintenant. Ah, ouais, je te dis pas. Dans un instant, on va faire le top 3 des infos qui vont à la poubelle. Ça, il n'y en a aucune d'autre radio qui le fait. On est les seuls à oser ça. Il y aura aussi la minute tactile. On va parler d'une arnaque à plusieurs millions d'euros sur YouTube. Ah oui, ça s'est passé, ça a fait du mal à des artistes et à des créateurs. On en parle, vous aurez tous les détails dans un instant. Mais avant, je vous propose qu'on fasse la rencontre de Maureen. Oh, Maureen, agent artistique. Bienvenue Maureen. Bienvenue sur l'antenne de KIF, Maureen. Bonjour à tous, voilà, je suis Maureen Magdalene et je suis agent artistique. Ça veut dire que je développe mes artistes au sein de ma communauté pour avoir des projets artistiques tels que des castings, des tournages, des publicités, des salles de spectacle, des bookings, etc. Je m'en charge de faire tout ça. Très bien, très actif. Est-ce que vous proposez quelque chose de plus? Et sinon, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? Bon, si vous êtes des animateurs radio, ouais. Voilà, je vais vous faire une mini-maquette de mon émission. Oh, pas mal. Il y a un beau début, là. Bon, alors, on est très intéressés. Oui. Donc, vous touchez aussi à la radio. Vous n'êtes pas que agent, productrice artistique. Donc, attendez, je comprends pas. Une maquette, c'est votre émission. Ça consiste en quoi, alors? Mon émission s'appelle Le Miracle de Maureen. Et dans Le Miracle de Maureen, il y aura toutes des actualités. People, de musique, de toutes sortes de choses. Sinon, voilà. Ok, bon, ça part un peu dans tous les sens. C'est quoi le concept de l'émission? Pour l'émission Le Miracle de Maureen, c'est purement people, purement musique, purement actualité aussi. Ok, bon bah peut-être qu'on écoutera. Merci beaucoup Maureen, on se dit à bientôt. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. J'espère que vous allez bien, j'espère que ma communauté se porte bien. Que je puisse apporter des points positifs, mais aussi c'est parfois long. Je peux aussi faire des points négatifs, donc vous le sachiez ou quoi que ce soit. C'est noté, merci Maureen. On se dit à très bientôt alors. Allez, je vous souhaite dorénavant une hyper bonne soirée. Et voilà, et pour tout ce qui est maquette radio, maquette radio, etc. Mon émission s'appelle le Miracle de Maureen. Je reviens, je vais vite à la toilette. Hein, le Maureen de Miracle, hein, d'accord. Bon, vous pensez que c'est réalisable, votre émission? Est-ce que c'est concrétisable? Mais c'est vrai que j'ai voulu faire ça par mon journal hebdomadaire. Ah. Bon, ça va être un projet qui va sûrement être réalisable. Alors, pour que ce soit moins réalisable et que j'ai le bagou de parler au public. Au public? Oui. Mais moi, d'ailleurs, quand j'ai engagé Kix, il m'a dit. J'ai le bagou de parler au public. Ah, ouais. Bon, bah, merci Maureen. Je crois qu'on a compris. Hein. Et le miracle de Maureen, c'est quelque chose d'hyper magique parce que. Voilà. Et aussi. Ce sera purement people, actualité, c'est purement horoscopique. Ah. Horoscopique. La fameuse séquence de l'horoscopique. Bon, bah très bien, on va en rester là, Maureen. Au revoir, bisous. Hein. Et voilà. Je vous souhaite dorénavant une excellente soirée. Je vous embrasse toujours. Tout le temps. N'oubliez pas que ce vendredi-ci, je serai sur Bruxelles à Uccle pour se rencontrer, pour avoir des dédicaces, etc. Jadoul, tu vas avoir une visite au studio, t'as bien. Mais si c'est une agent artistique, moi je veux qu'elle me produise. Attends, mais c'est complètement fou. Maureen, on retiendra surtout que tu es en dédicace à Bruxelles à Uccle. On sait pas quand, mais en tout cas, on espère que ça arrivera très vite. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Encore des bisous? Allez, je vous embrasse. Allez, bisous. Gros bisous. Suavemente. Attendez, j'arrive. Il y a y a un truc qui sent dans ce studio. Il y a une odeur. Il y a un rat crevé. Je sais pas. Sous ma chaise. Non, mais vérifie sous la table si on a bouffé, je sais pas, de la bouffe de la semaine dernière. Regarde un peu tes pieds, voir si c'est pas tes pieds, non? Attends, je regarde sous mes semelles. Non, non, ça va, tout va bien. Bon, bah, je sais pas d'où ça vient. Ouais, je doute, hein, je on doute. On mènera l'enquête. Bon. Dis, j'ai écouté une musique ce week-end. J'ai pensé à toi. C'est vrai? Oui. Ah, tu me l'as ramené? Oui, vas-y, tiens. Bah, je l'écoute. Est-ce que tu permets? Tu baisses un tout petit peu la tête? Encore un tout petit peu? Voilà, hop, comme ça. Voilà, merci. On devait parler aussi de ton aventure de train, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était grève. Galère, ça s'est pas galère, ressenti ici sur Bruxelles. Donc voilà, vous avez peut-être été un peu épargné, surtout vous, si vous êtes chauffeur, si vous êtes simplement quelqu'un qui fait la navette entre Waterloo, Bruxelles, bref. Comme moi. Vous êtes un peu en galère. Mais toi, c'est plus loin, c'est-à-dire que c'est Namur et un Namur-Bruxelles, logiquement, on fait ça en... En train de base. En train, pour le plus simple. Ah oui, c'est le plus écologique. Ah, normal. Ah, bien sûr. Bon, mais bon, ça, la vie en a décidé autrement. Il y a eu la grève et puis il y a eu un grand périple. Est-ce qu'on peut savoir un peu l'aventure, l'épopée? Que s'est-il passé? Je ne sais pas si on aura assez de deux heures pour parler de ça, mais... Non, non, mais en résumé, quoi. Bah, pour faire simple... Donc j'étais à Namur, dans une gare d'après-midi, déserte, voilà. Déserte, totalement déserte, vraiment. Hein. Et donc j'ai dû prendre des bus. Le problème, c'est que le nombre de bus était assez conséquent. J'ai dû prendre 4 bus. 4 bus pour venir Namur, venir. Moi qui ne prends jamais de bus, je prends le train, je reste dedans, je ne bouge pas, on me fait pas chier, je suis tranquille. Ouais, mais ça. Là, j'ai dû prendre le bus. Au fond de mes poches, que dalle. Pas d'euros. Pas d'euros, rien. Une carte, juste une carte bancaire et une carte d'identité. Oui, mais ça, les techs, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Alors, j'arrive devant, évidemment, le chauffeur. Je lui demande, est-ce qu'on peut payer par carte? Oh, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Il faut descendre. Ah. Là, c'est un petit problème. Alors, je fouille au fond de mon sac et je trouve, miraculeusement, 4 euros. N'oubliez pas qu'il y a 4 trains à prendre. Hein. 4 bus. 4 bus, pardon. 4 bus. Avec 4 euros, impossible. Donc, j'ai dû faire la manche dans le bus pour trouver cet argent. Il me manquait juste 1,50€. T'as dansé, t'as mendié, t'as... Non, bah j'étais excité dans le bus. J'ai fait, excusez-moi, vous n'aurez pas une petite pièce, excusez-moi. Mais vraiment. En panique, hein. En fait. Le problème qui était assez gênant, attention, j'ai au fond de mon sac un petit médicament en poudre lorsqu'on a mal au ventre ou quoi. Le fameux Smecta. Exactement, que je garde toujours au fond de mon sac. Le problème, c'est qu'étant déjà stressé, parce que je me suis dit, je vais louper le bus, je ne serai pas venir ici sur KF. Ce mec est une pharmacie. Voilà. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai cherché après mes pièces et le sachet s'est déchiré. Du coup, j'ai eu tout de la poudre blanche sur mon sac. Mais étant déjà surexcité pour chercher justement de l'argent et tout ça, tu passais pour un fou. Ah, mais en fait. Vraiment, complètement. Alors je me balade dans le bus avec le bus qui bouge et tout, etc. Ouais, et puis ça c'était une galère. Enfin bref. Ouais. Du coup, bah j'ai su trouver l'argent, donc j'ai su payer. Ça c'était quel des bus? Le premier. Ça c'était le de base, c'était le deuxième. Pour le premier, il m'a laissé aller gratuitement. Il était donc, super troisième, sympa. Ça s'est bien passé. Le troisième, ça se coupe un petit peu. On est un peu dans des bosses. Oui, et, ça c'est. Hein, on connaît des amortisseurs, ils savent pas. Et puis non, franchement, le dernier ça a été parce que le dernier c'est la STIB et on peut payer par carte bancaire. Et là, encore une fois, ils sont au dessus. 22h, c'est la trappe sur KF. Et si on s'écoutait? Put the fucking mic on. Un bon petit classique. Ah ouais. Pas mal. Faites jouer sur KF, soyez les bienvenus. Dans un instant, Alonso sera là. On fera le trop 3. Bistro Jean-Michel arrivera aussi. Mais on aura le top 3 des infos à jeter à la poubelle. Aucune autre radio ose le faire. Nous, oui. Et c'est ça la différence. La trappe, c'est jusqu'à 22h sur KF. Bienvenue. Kix, est-ce que tu connais Rachel? Oui, mais de très loin, hein, de très loin. Très, très loin, Rachel. Le 20h-22h, c'est avec Jadoul dans la trappe. Je m'en dis. Oui, je fais aussi forain en intérim. Je pense que c'est le jingle que j'assume le moins. 20h25, on est en direct sur KF. C'est La Trappe, votre nouvelle émission. On n'oublie pas le WhatsApp. Du vendredi. On est quel jour? Mercredi. Mercredi. Mais vendredi, oui, t'es en fin de semaine, toi déjà. Moi, mais je suis déphasé. Moi, j'ai passé un week-end de fou. Donc, ça fait que je sais à peine quel jour nous sommes. D'accord. Donc, j'y vais mollo, tu vois. On a un sujet. Durant toute cette émission, on va écouter vos messages vocaux sur le WhatsApp de l'émission. Au 02 315 10 15. On parle des jeux vidéo qui ont bercé votre enfance. Il y en a peut-être un, il y en a peut-être plusieurs. Racontez-nous tout ça. Quelle a été la particularité? Qu'est-ce qui vous a séduit? Quel est votre souvenir par rapport à ce jeu? Vous avez peut-être partagé ce moment-là avec des personnes en particulier, ouais, dans votre famille. Famille, c'est ça, voilà. On va faire un point là-dessus dans un instant. Si qui est sûr, c'est que c'est la fatigue. Oh là, c'est la fatigue. On va faire maintenant le top 3 des infos qui vont à la poubelle. Vas-y, dis-nous tout. C'est simple. Je vais vous en donner 3 normalement. On a essayé de prendre les plus pourris, mais il se peut qu'on se plante et qu'on ne prenne pas les plus pourris. Ouais, j'ai déjà peur. Bon, bah, c'est pas grave. Voici la celle qui arrive en top 3. 6 mois après un lancement très médiatisé, le réseau social de Donald Trump, un clone de Twitter, est au bord de la faillite. On jette ? Oui, on jette. Clairement. Allez, hop là. Suivante, la numéro 2. Si vous utilisez un décodeur V5 de 2013, Proximus va remplacer votre ancien décodeur par un nouveau décodeur envoyé par Bipost. 1 mois après la livraison, votre ancienne box cessera de fonctionner, soit 220 000 clients concernés. Non, ne termine pas poubelle. Allez, hop là, voilà. On ira jeter la poubelle après. La numéro 1, je trouve que c'est vraiment la plus pourrie de toute l'actu connectée. Ouais. WhatsApp veut s'imposer comme une alternative à Zoom et Teams dans le milieu professionnel avec une mise à jour qui permettra de faire des appels vidéo jusqu'à 32 intervenants. Ok, c'était nouveau 3 bonnes infos de merde, merci. Et hop, on vide la poubelle. Oh, qu'est-ce qu'on écoute ? Alonso, trop bien. Je fais bien la guitare. Et c'est une heure sans pub là sur KF, on savoure. Oh, oh. Allez, mettez plus fort. Une grande arnaque à plusieurs millions sur YouTube. C'est ce qu'on va décortiquer dans un instant dans la trappe. Et on va découvrir Rachel. Bienvenue sur KF. Kix, j'ai 2 bonnes nouvelles. Oui, la première, c'est que j'ai réussi à trouver un système de courant d'air pour rafraîchir l'odeur qui est dans ce studio là. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que dans cette émission, on va pas faire que des conneries, on va parler aussi sérieux. Ce soir, en direct de leur QG souterrain, Jadoul et son équipe dans la trappe, 20h-22h sur KIF. Non, ça fait trop sérieux, Lydia, ça va pas. On peut pas rajouter un peu des cotillons, des confettis, des dames qui dansent. Pour leur nom, mais en tout cas, on va parler de YouTube. C'est une plateforme qu'on utilise tous au quotidien, sur une télé connectée, sur un smartphone, dans le bus, dans le train. Partout. Partout, partout ouais. on peut regarder ça. Et ça a pris une place un peu conséquente dans notre vie. Et on se dit, mais c'est vrai que tous les YouTubeurs qu'on regarde se cassent la tête à essayer de faire toujours du contenu sans musique, qui ont des droits d'auteur, parce que c'est toujours une galère si on veut avoir la monétisation et tout. Voilà, c'est déjà un gros sujet ça en lui-même. Mais là ici, on va vous parler d'une arnaque à 18 millions d'euros sur YouTube. 18 millions d'euros, je sais pas si tu te rends compte. Mais la vache. C'est-à-dire que, moi, je le veux bien. Ouais, ouais, quand tu vas voir ce qu'ils ont fait, je pense pas que tu les voudras. Et surtout, comment ça s'est fini. Parce qu'on a tout, hein, les tenants, les aboutissants, qui a fait quoi. Vous allez voir, c'est très sympa. Il y a plusieurs créateurs ces dernières années, comme le joueur de grenier et tout ça, qui ont eu un problème sur la plateforme. D'un coup, toutes leurs anciennes vidéos se sont vues comme potentiellement démonétisées car elles enfreignaient quelques règles de la communauté, donc c'est-à-dire la monétisation. Ouais. Comment résoudre ça ? Ça, cata. Ils ont essayé d'écrire à YouTube et on connaît quand on écrit à YouTube, c'est pas sûr qu'on ait une réponse. Ouais, hein. Là, le support de YouTube, je pense que là-haut, ils n'entendent rien. Bah bon, bref, voilà, c'est pas grave. Et ils ont essayé de porter plainte et tout, ça n'a pas fonctionné, mais il y a des petits malins qui ont réussi à profiter du système. Il y a 2 gars sans limite qui se sont fait passer pour des artistes, des ayants droit de chansons. Okay. Et donc, en gros, les 18 millions d'euros qu'ils ont récoltés en 4 ans, c'était juste un manque de vigilance de la part de YouTube. En fait, la combine était super simple. Ils se sont fait passer pour des maisons de disques, voilà, des artistes, et ils ont déclaré quelques chansons comme ça, à l'insu des personnes qui l'ont vraiment composé. Donc, attends, je note. Je note, comme ça je ferai pareil. Toi, imagine, tu sors un titre. Ouais. Moi, je suis le malfrat. Je fais « Oh, ah, il a sorti un bien, titre !» d'ailleurs. Oui, c'est le « Oh, tout est là-dedans !» Et je dis « Bah attends, je vais prendre ton titre, je vais dire à YouTube, c'est moi qui l'ai fait, et hop, je toucherai toute la thune que tu devrais toucher toi, normalement. » C'est salaud, ça. Ah oui, c'est salaud. Et dis-toi qu'en avril 2017, les deux hommes se sont fait une société qui s'appelle MediaMove, et le but était de s'accaparer les droits des clips musicaux postés sur YouTube, de tous. Donc, okay. On pourrait croire que c'est compliqué, mais non, hein, ils ont juste eu tous les accès chez YouTube. C'est dingue. En gros, il y a un moteur, il s'appelle le Content ID, et c'est un peu un Shazam. Donc en gros, la maison de disque ou l'ayant droit lui donne sa musique, et le Content ID est chargé de détecter dans les vidéos le contenu déclaré par les maisons de disques. Ok. Si chez un YouTuber, il y a une musique qui a été déclarée, toute la somme qui va toucher de la monétisation de cette vidéo, à la maison de disque. Oh. C'est le principe. Sauf que le problème, c'est que la combine a soutiré au total 20 millions de dollars aux créateurs de YouTube et aux artistes, soit 18 millions d'euros comme on le disait. Et ça a permis aux 2 malfaiteurs de s'acheter une maison à 550 000 dollars. Oh, pas mal. Une Tesla à 130 000 dollars. Et évidemment, quand on fait ça et qu'on a un train de vie de rappeur milliardaire, ouais, bah ça se voit un peu. Ouais, ça pose certaines questions. Ouais. Je pense qu'aux US, le fisc rigole pas avec ça. Et en 2018, bah, y a un gars qui s'est vu usurper sa musique. Okay. Et a dit, écoutez les gars, c'est pas normal. Et ça a tellement pué à partir de ce moment-là que YouTube a dit aux arnaqueurs écoutez, là, vous avez fait n'importe quoi. Il va falloir payer, quoi. Ouais, les arnaqueurs répondent bah non, en fait, non, c'est bien nous. C'est eux qui essayent de nous arnaquer. Ça fonctionne. Le culot. Et finalement, ils ont été arrêtés. En tout cas, l'un d'eux, condamné à 37 ans de prison. 250 000 euros d'amende pour le complot. Wow. Et il a été condamné, évidemment, pour blanchiment d'argent, vol d'identité, fraude électronique. Bah, c'est un pourboire. C'est un petit pourboire. Mais j'espère qu'il a bien planqué son argent, parce que si le pauvre, en plus de ça, il a pas été malin, il a pas planqué son fric, bah là, il s'en sortira pas plus mal. Mais c'est fou, hein, qu'on se dise que c'est possible, quand même. Mais en plus, c'est une telle somme d'argent et tout. Mais en soi, l'idée ne c'est pas bête. Mais on va pas non plus, voilà. Mets-toi un peu à la place d'un créateur de vidéo. Ouais. Il se dit bon, alors je me casse la tête. J'ai besoin d'une trompette dans ma vidéo. Ouais. Je vais aller chercher une vieille trompette de 1960 où il y a. Ouais, vas-y, genre ça. Oui, attends. Là, tu l'as pas. Tu l'as pas sous la main. Tu m'as pris de court. On a voulu faire de l'impro là, mais. Ouais. L'impro, c'est pas. Aïe. Pas encore pas la deuxième émission de l'impro. Il a voulu faire quoi? Non, voilà. Ça. Voilà. Mais imagine, il prend ce son, il dit à YouTube, c'est moi qui l'ai composé. Ouais. Et ben, le YouTuber qui pensait avoir un truc libre de droit, il se le fait soutirer et hop, tout son fric va au malfaiteur. C'est dégueulasse. Ouais, c'est complètement dégueulasse. C'est dégueulasse, mais heureusement, ils ont un peu mis le haut là tout ça. Games arrive dans un instant sur KF, vous bougez pas de là. 20h-22h, c'est la trappe sur KF. Chris Brown maintenant. On est bien là. On est très bien. Merci de dire ça à chaque fois. Avec plaisir. L'interview combinée arrive. En gros, faut être plus drôle que les gens qui posent réellement les questions aux artistes. Et celui qui est pas drôle, bah, se prend un gros coup de combiné téléphonique. Et ça fait mal. Ça se passe dans un instant. Oh, je suis content là. Oh, qu'est-ce que je suis content. Dans un instant, on aura l'interview combinée. J'adore cette séquence. Il y a tous vos messages là qui commencent à arriver sur le 02 315 10 15, le WhatsApp de l'émission. Vous nous racontez vos jeux vidéo d'enfance. On débriefe tout ça dans un instant. Et franchement, ça va être très sympa parce que nous-mêmes, ça va nous très drôle d'ailleurs. Ouais, bah il y a des trucs qu'on a écoutés. Non, on va pas dire c'est très dingue. Donc on rediffusera pas tout voilà. Parce que voilà. Mais non, franchement, c'est très sympa. Et surtout, maintenant, on va faire la connaissance d'une nouvelle personne dans cette émission. La trappe des 20h. Si je dois expliquer avec mes mots, c'est une espèce de fancy fair avec des gens rigolos malgré eux, quoi. Heureusement qu'ils sont gentils, hein, quand on voit leur tronche. C'est sûr, et surtout quand vous allez faire la connaissance de Rachel. Rachel, c'est notre certifiée de la semaine. Ouais. On l'a découvert sur TikTok. Elle est devenue populaire avec son mari grâce au fait simplement qu'elle a fait beaucoup d'enfants. C'est ce qu'on appelle une maman de famille nombreuse. Voilà. Qui est un beau métier. C'est un métier à part entière. Ça, franchement, je salue parce que moi, je serais pas très compliqué d'ailleurs. Déjà, un enfant. Ouais. Hein. Bon, chacune de leurs vidéos font des millions de vues sur TikTok. Sauf que là, c'est le drame pour cette famille. Le mari prend la parole officiellement sur TikTok. Bonjour les loulous et les abonnés. Alors, je fais ce TikTok pour ma petite femme. À cause de moi, elle a perdu son compte. Oui, c'est de ma faute. Ma faute à moi. Bon. Donc, faites-moi plaisir, tous ceux qui étaient abonnés à elle, allez vous abonner. J'ai merdé. Mais vraiment, vraiment merdé. Ok, donc c'est la faute du mari, si je comprends bien. On va aller voir ensemble sur le nouveau compte donc de sa femme, Rachel, créé avant-hier. Coucou les loulous. Bon, ben on se retrouve sur ce compte-ci. Je me suis refait bannir. Vous allez rire, hein. Bon, j'ai envoyé une contestation, bien sûr. Hein. Ah, c'est ce qu'on fait, on rit. J'espère juste qu'on va me rendre mon compte. Ok, donc on attend voir si elle aura des nouvelles du support. Hein. Je pense que c'est comme YouTube. Oui, ils sont pas pressés pour donner des réponses. Voilà. Est-ce que le mari disait la vérité? Parce que là, elle dit qu'elle s'est fait bannir. Ah oui, il faut croiser les versions des faits. Est-ce que c'est lui le coupable du ban? La raison pour laquelle je me suis fait bannir est... Je n'ai pas 13 ans. Alors heureusement que c'est de la radio, parce que là, vous vous dites... Voilà, je suis... Même moi, elle m'a perdu. Hein. Non, mais il faut voir la personne. Hein. Je vais taper juste... Je sais même pas c'est quoi son nouveau arrobase. Parce qu'elle s'appelle plus Rachel, du coup. Comme elle a été bannie, elle a trouvé un autre nom qui n'a rien à voir. J'aurais dû vous le noter, là, parce que il faut aller voir sa tête. Alors, c'est vrai que c'est un gros rajeunissement hein, quand sympa. On compare 13 ans et elle. Alors... Quelle est la réaction de Rachel face à ce désarroi par rapport au réseau social? Alors, Facebook, non. TikTok, vous êtes bien gentil de me rajeunir autant. Mais arrivé à un moment, faut pas exagérer, hein. Vous voulez pas me rendre mon compte, s'il vous plaît? Bien. C'est très gentil. J'espère que le support a entendu la mendicité de Rachel. Un petit mot avant de partir, Rachel. En attendant, ben, abonnez-vous en masse ici. Bisous les loulous. Bisous Rachel. Une grosse bise. 24 heures plus tard, est-ce qu'ils se sont abonnés en masse? Est-ce que ça a marché? On a eu la réponse hier. Coucou les loulous, je fais cette petite vidéo pour déjà vous remercier du fond du cœur de vous réabonner à moi. En 24 heures, c'est juste waouh, j'ai presque 800 abonnés en même pas 24 heures. Waouh. Donc c'est juste merci. Elle est ravie, elle le rend bien. Oh là là. J'essaie de m'abonner en retour, mais bien sûr, comme vous savez, TikTok me lâche, tu t'abonnes trop vite. Ouais. Donc voilà, j'ai essayé de m'abonner vraiment à tout le monde, à toutes les personnes que je trouve qu'il faut. C'est noté, bah, bisous à Chou. Hein. En tout cas, un grand merci. Je vous fais d'énormes bisous. Gros bisous à toi aussi. Quoi donc? Bah moi, ce que j'en retiens de ça, franchement, oui, c'est juste la musique de fond. J'entends, il écoutait ouais, ça à fond. Hein. Que dire de plus par rapport à cette que dire de Rachel. Plus par rapport à Rachel? Oh, rien, je pense qu'il faut juste la laisser dans son monde. Hein. 22h, c'est la trappe sur KF. Je ne sais même pas quoi dire derrière ça. J'allais faire une vanne, mais non, on va juste respecter la musique de Gims. 22h, c'est la trappe sur KF. Jouons! Oh là là, c'est le meilleur moment de cette émission pour moi. C'est le moment où on fait l'interview combini. Retourner façon la trappe, ça fait l'interview combinée. En gros, il faut être très drôle en posant une question qui n'a pas réellement été posée à l'artiste du jour. Et le moins drôle d'entre nous se prendra un bon coup de téléphone. Et ça fait très mal. Ah ouais, ça laisse des bosses. Bon bref, on va faire ça, on va essayer d'être drôle. On va gagner, bon, on va essayer d'être drôle. J'en ai déjà reçu beaucoup, en plus j'arrive plus à mettre mon casque, c'est assez dérangeant. Ouais. Bon, écoute, on va accueillir NASA cette semaine. Yeah, yeah l'équipe, c'est NASA le gros bébé Big Daddy. Si tu le dis. En tout cas, il est la bonne autodérision lui. Hein. Exact. On va... NASA, t'as déjà vu Kix un jour en vrai? Il a le démon de ouf, regarde-moi bien. Ah, j'avais pas... Mais pour le coup, pas du tout. Pas du tout. Il a le démon de ouf. Moi, je pense que oui. voici la première réponse de NASA. S'il y a des sponsors, ils veulent venir, on est là. Si on invente la question, ça donne... Pardon, c'est moi. Bon, t'as été trop vite là. Hey, c'est mon gros doigt. Attends, vas-y, on va reprendre la radio. Attends, je vais ressortir le manuel. Attends. 22h, c'est la trappe sur KF. Oh, une séquence. C'est mardi. Ah, c'est de la radio ici. Bon, votre première question. Il paraît que Miss France est fortement intéressée par tes deux traits sur la tête. S'il y a des sponsors, ils veulent venir, on est là. C'est vrai que ça pourrait être sympa pour Miss France d'avoir deux traits. Je sais pas. Moi aussi, NASA, j'ai une question. NASA, est-ce que tu vas, je sais pas me relire. J'écris comme un. Est-ce que tu vas hop, dans la poubelle, allez. Ah, comme non, le reste. Ça y est, ok, j'ai compris ce que j'ai écrit. NASA va-t-il faire un concours de dents? S'il y a des sponsors, ils veulent venir, on est là. Dedans, oui, il a une dentition particulière. Ah. Il pourra peut-être faire une. Il va être content quand il va entendre ça. Il va être content. Question numéro 2. Il va te donner la petite dent en or, là. T'es complètement dans un autre monde, tu me fais vraiment trop rire. Et je le sors, et tout le monde dit maintenant, et je sors. Ah, ok, c'était. T'es pas au point. T'es pas réveillé. Et en fait, on fait un coup sur deux. Une fois, c'est toi, une fois, c'est moi qui merde. NASA, pourquoi ta perruque, elle tombe à chaque fois? Et je le sors, et tout le monde dit maintenant, et je sors. Ah non, c'est ma faute. C'est bah ce oui, son-là, en fait. Ils ne contrôlent pas ce truc, tu vois. Attends, vas-y, repose ta question, on est pas en direct. On est d'accord, hein. Bon, donc je dis, t'es complètement dans un autre monde, tu fais trop rire. Je le contrôle pas ce truc, tu vois. Ah, ça marche beaucoup mieux, c'est vrai, t'as raison. Ah, tu vois, j'avais pas que j'avais préparé. Donc NASA, pourquoi ta perruque tombe à chaque fois? Je le contrôle pas ce truc, tu vois. Ah oui, t'as raison, ça marche beaucoup mieux. En soirée, tu dégages tous les relous, il paraît. Et je le sors et tout le monde dit maintenant, et je sors. Ça fonctionne, et toi? Askip, tu aimes bien te maquiller et tu aurais un petit kit dans ta banane. Et je le sors et tout le monde dit maintenant, et je sors. Du maquillage? Oui, un petit kit de maquillage à la banane. C'est mignon, c'est mignon, il sera ravi, NASA. Une collab avec Gérard Depardieu. C'est-à-dire un jour, il va venir, viens, on fait un feat. Là, il m'a laissé, il m'a dit, vas-y, fais ton taf, moi je reviens. Vas-y, tranquille. J'avais quasiment la même avec Claude François, comme quoi on est. En gros, c'est Claude François m'a appelé et à ce qui paraît, il est fortement intéressé par. C'est-à-dire, un jour, il va venir, viens, on fait un feat. Là, il m'a laissé, il m'a dit, vas-y, fais ton taf, moi je reviens. Malheureusement, il est jamais revenu. ça, on va le revoir. Oui, attends, hop, on déchire. voilà, en réunion la semaine prochaine, je sens que ça fait partie des points. Que, tu vois, en réunion, t'as toujours des trucs qui sont notés en haut du paperboard. Et ben voilà. Tu mets des bougies, des pétales de rose. Ouais, non, non, hors sujet ça, NASA. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Yeah, tell you made this bitch too. Vous écoutez KIF, merci de nous avoir choisi. Le thème du jour, c'est nos jeux vidéo d'enfance. Vous avez une idée de ce que vous avez aimé durant cette période? N'hésitez pas à envoyer un petit vocal sur WhatsApp. Hein. Au 02 315 10 15. Vous vous souvenez, la reine est décédée. Oui. Merci de nous rappeler. C'est un grand événement. Bon, je trouve qu'on en a pas assez parlé. Moi, ce qui m'a fait beaucoup marrer sur TikTok, c'est qu'il y a un gars qui l'a annoncé à sa mère. Queen has died. Oh my god, Beyoncé. T'as bien entendu. Oh, Queen... Il a complètement confondu, la maman a confondu Beyoncé et la reine. Oh my god, Beyoncé ? Bah ouais, Beyoncé. C'est vrai que c'est similaire. Hein, oui. Bah d'ailleurs, c'est, je sais plus, c'est la reine d'Angleterre qui chante ça ? Non, je sais plus, ouais, j'hésite. Elle est encore jeune à ce moment-là. Ah, j'hésite complètement, tu me fais vraiment hésiter. bon. T'es con. On se retrouve dans un instant avec plein de bonnes choses. Gambi sera notre invité, entre guillemets. Et on aura aussi quoi d'autre qui arrive? Le hockey boomer, on va parler de gens qui ont reçu 20 millions d'euros par erreur. Oui, 20 millions d'euros, rien que ça. Et le blind test, c'est le blind test avec que des gens éclatés en chant. Ça se passe dans un instant sur KIF. Vous ne débranchez pas, 20h57. Fan complètement de ce son. J'adore aussi. Ah, c'est un gros coup de Romeo Elvis. Je suis client, voilà. Je signe des deux mains si je devais dire oui, non, on le rentre ou pas. Oui, on le rentre sur KIF. Ah non, c'est pas le bon bouton. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Ouais, école de radio, c'est vraiment la foire. Ah ouais, ouais, écoute, on fait comme on peut, hein. Et franchement, c'est notre deuxième. 21h, bricolo. Ça y est, on a passé la première heure de l'émission. C'est là que les pains techniques de ma personne arrivent. Ouais. C'est là que tu commences à baver un peu sur ton pull, que tu t'endors et que. Ah merde. Ouais. Oh. Va falloir éponger, là. Ok, boomer, c'est la séquence qu'on entame maintenant. On va parler d'une plateforme de crypto-monnaie qui s'appelle Binance. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. T'es un peu dans les NFT, les machins. Bah, je connais NFT. Je l'ai toujours voulu me mettre dans la crypto. Ah, mais alors je suis pas du tout calé là-dedans. C'est la différence entre un NFT et une crypto. La NFT c'est pas les images, alors que la crypto c'est de la monnaie virtuelle. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Un wallet de Bitcoin. Ouais, ils mettaient tous avec le petit singe là de toutes les sortes différentes. Bah, il y a pas ça. Il y a plusieurs NFT, mais. Enfin bref, il y a des tokens HNT qui ont été distribués par erreur à hauteur de 4,8 millions, soit un peu plus de 20 millions d'euros. Ouf. Oui, parce que je sais pas si t'as déjà vu le prix. Regarde un peu le prix de 1 bitcoin. Combien ça vaut en euros? Si tu convertis, déjà tu vas t'asseoir. Et ça va quand même donner une notion différente. 20 487 euros. Voilà, 20 000 euros, c'est un bitcoin. Mais c'est bien descendu quand même, parce que c'était monté jusqu'à 50 000, 60 000, je crois. Ça s'est cassé la gueule. Ouais, et puis quand même pas mal, hein. Pas mal. C'est, tu vois, j'ai bien fait de pas avoir misé là-dedans. Ouais. Moi, oui. C'est ça que tu as avec des chaussures avec des trous maintenant. Ah, mais ouais, je prends des pompes que je trouve dans la rue. Ouais, bah... Ah non, mais j'ai fait la connerie d'investir, mais au pire moment. Ouais, mais je sens que ça va reprendre. De toute façon, c'est une montagne russe. T'es voyant, toi ? Pas du tout, mais voilà, c'est le flair, tu vois. Bon, bref, ils ont distribué 20 millions d'euros, donc c'est HNT, c'est token par erreur. Donc au total, c'est quand même beaucoup de clients satisfaits. On ne sait pas combien d'utilisateurs ont pu tirer parti de cette erreur comptable, mais en tout cas, on peut considérer que la plateforme a fait un don. Tu te rends compte que tu chipotes avec 2-3 bitcoins, ça y est, t'es 20 millions d'euros de parti. Ouais. C'est fou, ça. C'est quand même significatif d'un marché. C'est significatif de. Mais comme j'ai dit, moi, si jamais, hein, je peux vous donner mon compte bancaire. Et BE. Voilà, alors 07. Moi, attends, je te rappelle que celui qui a perdu de l'argent jusqu'ici, c'est moi. Ah, donc, ouais. Mais j'ai une autre monnaie aussi sur laquelle j'ai investi. Je sais plus du tout. Je pense même plus que j'ai l'appli. Non, mais c'était un naufrage, c'est un carnage. Ça aussi, j'essaie de me connecter pour regarder. Aussi en crypto-monnaie ou. Les deux. Oh là là, j'ai un portefeuille. Moi, franchement, si on doit. Ça t'a pas suffi en fait de perdre une fois. Tu t'es dit tiens, je vais perdre ailleurs maintenant. C'est la première fois que je vois du vert sur cette application. Ouais, j'ai perdu 50% de mon investissement. Voilà. Pas mal. Bah, c'est pas grave. Non, mais c'est des petites sommes. Hein. On dit ça pour rire, mais je veux dire, il faut toujours investir dans la bourse ou dans les cryptos que ce qu'on est prêt à perdre. Ouais. C'est la règle. Voilà, si vous mettez toutes vos économies. Vous êtes con. Et puis même, voilà. De toute façon, la crypto-monnaie, c'est quand même dangereux. C'est dangereux, mais c'est nouveau surtout. Et puis, regarde. Tu ne l'as pas dans ta poche, quoi. Donc, c'est le principe de la crypto-monnaie. Mais, mais pour dire, c'est dangereux, quoi. L'argent, oui. Si tu as des billets, tu sais que tu l'as. La crypto-monnaie. C'est pas palpable. Voilà. C'est vrai que tu c'est sens pas Pierre Palmade. J'ai pas compris la vanne. La semaine passée, on a parlé de Pierre Palmade et du coup, ça m'a fait. Ah oui, d'accord. Okay, un petit. Okay. Tu vois je l'ai placé, Il fallait être là la semaine passée. Il faut pas louper les émissions. Il faut c'est comme louper ça. Aucune émission. Ah bah ça. C'est un fil rouge qui se suit de semaine en semaine. Ouais. Dans quelques instants, Dua Lipa arrive sur KIF. On aura aussi l'occasion de faire une séquence que j'adore. C'est. Ah, tu parles du FaceTime ? Ouais, le FaceTime. C'est Gambi, notre invité cette semaine. Et puis aussi Jean-Michel qui est en ligne. Et Jean-Michel. Mais on l'a pas vu, tiens, encore. Il fait noir, j'espère qu'il s'est pas perdu. Jean-Michel, vous êtes là ? Jean-Michel ! Attends, Jean-Mi, oui. Venez déjà autour de la table. Vous êtes prêt cette semaine ? Je suis pressé cette semaine. Non. Oh, je dois aller chercher des fûts au café d'à côté. Je pense qu'ils veulent plus de vous déjà à côté, dans le quartier. Bon. Ben si, j'ai pris un abonnement. Oui, ben on vous a ramené de radio en radio et jusqu'ici. C'est pas comme la SNCB, nous on fait pas de grève, hein, nous on boit. Ça c'est sûr. Je suis impatient de découvrir ce qu'il y a dans votre crypto troquet cette semaine, en parlant de crypto. Ça se passe dans un instant et on va lire aussi, on va écouter vos messages vocaux qui arrivent au 02 315 10 15, vos jeux vidéo d'enfance. 22h, c'est la trappe sur KF. Vous connaissez Oboy ? Oui, non, bah quoi qu'il arrive, on vous joue ce son sur KF et il y aura Dua Lipa comme promis dans un instant. Belle soirée. On a des discussions lunaires dans ce studio, j'adore. On se comprend pas. Ah, il faut vraiment dialogue de sourds. On va mettre des caméras un jour. Enfin, il y a des caméras, je sais pas si on peut les allumer, mais il y a des caméras. Peut-être qu'un jour on vous filmera tout ça. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KF. Oh, j'adore. C'est l'heure de notre séquence où on a un invité et cette semaine c'est Gambi. C'est l'heure du FaceTime, à table FaceTime. Alors oui, on l'a en ligne avec nous, je te laisse mener l'interview. Allô ? Oui, allô Gambi ? Comment va l'ami ? Bah écoute, très bien, je prépare une petite soirée en famille là. Je m'invite à ta fête. Bah écoute, ça va pas être possible, comme je dis, on est vraiment qu'en famille. Nacha va défoncer. Attends, on peut toujours trouver un arrangement, tu n'as qu'à passer au pire quelques minutes avec ton petit toutou. En plus, j'ai justement des cadeaux à lui offrir. Ghostkiller track, bébé. T'es pas tout seul, c'est qui ça ? Personne. C'est-à-dire que normalement, comme je t'ai dit, ça va être compliqué là que tu passes avec ton chien là, c'est... Pas grave. Bah pas si, grave. Ils ont quand même mes grands-parents, il faut pas trop les choquer quoi, ils ont quand même un certain âge. Ça veut rien dire, les petits veulent du respect. Gambi, attends, ton nom c'est quand même Richard, alors on ne parle pas mal des anciens. Hein. Ah non, là je me suis chauffé, là. Il fallait pas me faire chier. Là. Alors, la semaine prochaine, ça aussi c'est sur le paperboard. C'est la soirée cafouillage, la vache. Mais je pense que nos cerveaux sont en grève, je sais pas. C'est pas grave, on est tous dans le même état d'esprit aujourd'hui, je pense. Et je te fais déjà le débrief que va faire le boss de KIF. Lui, il vient plus. Non, il va juste faire. Alors, c'était une très bonne séquence. Ouais. On la garde pour la semaine prochaine. Le résumé de la deuxième émission. Non, mais tu sais que je te propose qu'on fasse un truc assez radical. 20h-22h, c'est la trappe sur KIF. On écoute le vrai Gambi. J'adore. C'est quand même 100 fois mieux. Hein. Parce que là, le pauvre, en plus, on a retiré la voix de sa musique. Ah, on s'est amusé là. Là, c'est mieux parce que vous avez la voix et l'instru sur KIF. J'ai une grande annonce à faire. Je pense que la séquence qu'on a fait juste avant vient de rejoindre le cimetière de l'émission. Bienvenue, le FaceTime dans les séquences qui vont à la trappe. Oh oui, je cherchais longtemps pour en ça. Fait, de 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. C'est ça le texte que je dois dire ? Il faut me le dire, hein, je te le fais bien. Hein. En fait, tout va finir carrément dans le même endroit, je pense. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a osé appeler cette émission La Trappe parce qu'on sait très bien que on se prend pas au sérieux déjà et que tout finit au même endroit dans La Trappe. C'est ça. au moins, ça va. On assume, on est là, on passe un beau moment et avec les auditeurs et ensemble et c'est cool. Très bien. C'est trop cool. Ce qu'on va faire dans un instant, c'est accueillir Jean-Michel. On l'a mis dans un canapé là au fond du studio. J'espère qu'il va être en forme pour son crypto troquet. Ouais, je suis très bien là, je suis très bien. Hein. Vous avez passé une belle semaine ? Ouais, je te vois, Jean-Doul, hein. Tu fais de la merde. Hein. Je confirme. Ça va ? Vous avez encore une autre. Non, mais l'autre, le stick à lunettes aussi. Hein. Oui, il est pas fort non plus. Et on a vraiment deux clous là. Il faut se taper sur la tronche. Hein. Surtout, on vous laissera jamais un marteau en main, Jean-Michel. Enfin bref, restez calme, on va vous resservir un petit peu. Et puis, et vous savez quoi? Débouchonnez-vous une petite bouteille en attendant. Sans jamais bien. Voilà, et on se redit quoi juste après, hein? Vous voulez bien? Nickel, parfait. On trinque? Ouais. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, Jean-Michel. On va parler de la mise à jour. La mise à jour, c'est notre séquence où on vous tient un peu au courant de ce qui se passe sur vos applications du quotidien. Ouais. Et figurez-vous que là, on va parler sérieux deux secondes, il n'y a pas de conneries pour une fois. Si vous êtes accro à Instagram, vous allez être ravis. Si vous en aviez assez de regarder des stories qui ne cessent de se micro-couper toutes les 15 secondes, cette nouveauté est faite pour vous. Il y a désormais la possibilité d'enregistrer des stories jusqu'à 60 secondes non-stop. Wow. Énorme, ça c'est mieux. Donc ça mieux. Dépasse déjà les 45 secondes. Oui, mais c'est ennuyant. 45 secondes, c'est. 45 secondes, c'était court. À chaque fois, je dis, enfin, dès que tu me fais une publication et que t'as les 15 secondes, puis 15 secondes, puis 15 secondes, à chaque fois, t'as une petite coupure, rien que ça, c'est énervant. Heureusement qu'ils ont remis. Nouveauté, on peut faire des longues stories sans qu'elles soient dans des pages différentes à chaque fois, si je dois imager le truc. Mais attention, c'est pas tout. Cette mise à jour offrira également la possibilité de rajouter des stickers, du texte, de la musique dans une seule et même story. Ça veut dire qu'avant, si vous aviez la même vidéo qui s'étalait sur deux stories, vous deviez remettre tous les textes au même endroit. C'était assez chiant parce qu'à chaque fois ça bougeait en plus. J'avais jamais à faire la même taille de celle du texte ou du. Là, on peut le dire. Faire ça avec ses gros doigts boudinés, c'est pas enfin. Facile. Surtout que faut que je vous raconte quand même une anecdote. Kix, c'est le seul qui a des doigts, je pense, à base de beurre ou de matière grasse. Mais je non, ça je ne tolère pas. Comment on coupe le micro là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai les mains un peu trop sèches. Toi, c'est une feuille, toi. Tu mets du talc sur tes mains H24. Non, mais je pense que je peux rayer un écran rien qu'en. Bah là, l'écran tactile du studio, je pense qu'il est déjà rayé. Hein. Tes mains, elles n'existent même pas, en fait, c'est de la crie. Non, mais écoutez, le son que ça fait quand je les frotte. Alors ça, que moi. C'est deux salles de ambiance. Et donc, c'est vrai que ça doit être compliqué pour ajuster les stickers sur chaque story. Ah bah, c'est pas bien de se moquer. Ok, c'est pas bien de se moquer. On compare nos écrans de téléphone. Enfin. Ah là, voilà. Et mais... là, il le passe sur sa jambe, sans son jeans, pour faire disparaître toutes les traces. C'est pas grave, c'est pas moi qui fais les lessives. ça a l'avantage. Voilà, c'est la mise à jour de Instagram. Faudra pas la louper parce que franchement, ça va un peu nous changer la vie à tous. Hein. Ça va être moins chiant, en tout cas. Ça va être moins chiant et je pense que ça va un peu révolutionner. Et je vais faire un petit peu une théorie de comptoir. Ouais. Théorie de comptoir qui n'engage que moi, bien sûr. On va parler de comptoir. Non, le comptoir de Jean-Michel. Non, c'est dans un instant. On va d'abord écouter Dua Lipa. Mais ma théorie à moi, c'est que Instagram prépare le terrain pour faire des stories, les nouveaux TikTok. Tu vois? Ah ouais? Oh, si je parle en dehors du micro, ça fonctionne pas. Attends, rapproche-toi un peu du micro. On y est, c'est bon. M'entends, oui, c'est bon. Ouais, nickel, tu parfait. Peux parler. C'est bon, parfait. 22h, c'est la trappe sur KF. Alors, page 1, la radio pour les nuls. Oh, est-ce qu'il est en train de pleuvoir là sur Bruxelles? J'ai bien l'impression. Petite pluie là qui commence à tomber. Hein. Ou alors tu postes fort. Ouais, c'est peut-être pas impossible que ce soit ça. La trappe des 20h. Si je dois expliquer avec mes mots, c'est une espèce de fancy fair avec des gens rigolos malgré eux, quoi. Heureusement qu'ils sont gentils hein, quand on voit leur tronche. Kix, est-ce que tu peux un tout petit peu te serrer? On va accueillir Jean-Michel. Attends, je laisse ma place. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien, merci de me poser la question. D'habitude, quand je dis bonsoir Jean-Michel, il y a toujours une musique qui vous accompagne. C'est pas le cas cette semaine. Attendez, on va peut-être essayer. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Non, vous n'allez pas le faire à chaque semaine. C'est vous Jean-Michel. Bon, cette semaine dans l'actu, je sais pas si vous avez vu, la star colombienne Shakira a été accusée d'avoir soustrait 14,5 millions d'euros au fisc espagnol entre 2012 et 2014. Elle va être jugée pour fraude fiscale. Qui? Shakira, vous savez, elle a fait dernièrement un feat avec les Black Eyed Peas. Madonna a fait un son avec la mannequin Peace. Non. Je suis peut-être un peu rouillé, mais moi aussi, je peux me mettre tout nu pour chanter avec elle. Surtout pas, on veut pas voir ça, mais vous ne connaissez pas son nouveau titre, Don't You Worry? Ah bon si, ça je connais bien. Don't You Worry, baby. Je le dis, si vous voulez. Je pense pas que c'est ça. Enfin, vous avez le son sur vous, pouvez nous le faire écouter? Bah oui, tiens, hop, je t'envoie le CD. Alors, comment dire? Pas vraiment ça, Don't You Worry tout court. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be parlais plutôt de ça, vous voyez Jean-Michel? Ah non, elle risque de la prison là madame. Oui, elle risque un petit peu de prison. Vous lui direz quoi si elle était à côté d'elle? Bah vous allez voir ça, Jacqueline, allez, tu es prête? Attendez, vous allez pas chanter avec Jacqueline là maintenant devant tout le monde? Bah bien sûr que si hein. Oh non, non, non. Allez hop, karaoké en direct pour toi mon jardule. Hey, je ne veux pas aller en prison, perdu tant de ma vie. Mais dans vos moisirs orales, mais prendra plus pour Igérie. Ah, blancheur éclatante, le fisc me hante. T'inquiète pas, Chucky, voici le nom de mon prothésiste dentaire. Il s'appelle Jackie, et de base, il est vétérinaire. Merde, où ai-je mis mon verre? Oh, les virées étaient me père. Vous avez dit comment? Les virées étaient me père. Hein. Les briétés. Non, les non, les briétés étaient me père, hein, Jadoul. Ouais. Mettez-moi encore un petit coup, s'il vous plaît. Allez. On est à peine le 5 octobre. La saison vient à peine de démarrer. Il est grave, ça... franchement, il est grave. Hein. Là, je pense que c'est la meilleure séquence qu'on ait eue jusqu'ici dans cette émission. Vous reviendrez, Jean-Michel? Enfin, je sais pas du tout, mais là, je sens que j'ai envie d'aller boire un coup. Bah écoutez, vous savez quoi, c'est à la santé de KIF. Mais... surtout avec beaucoup de modération, Jean-Michel. Oh, je ne connais pas ma modération, je connais juste le fond de mon verre. Il faut, vous conduisez pas. Bien sûr que non, hein. Oui, vous avez plus le permis depuis longtemps. Bah non, j'ai plus rien, moi j'ai... je n'ai plus rien. Oui, oui, bah vous n'aurez peut-être plus la radio bientôt non plus. Ça c'est sympa, ça c'est sympa. Attention au paperboard de la semaine prochaine, c'est pas impossible que votre nom y soit. Oh, Fresh est là. Nouvelle école, shop. On écoute ça maintenant. Dans un instant, on aura aussi Jennifer Lopez. Elle est bonne sa mère, j'ai le seum, faut que je la chope. Il est belge, c'est Fresh. Ah bah oui, Fresh, il a eu, je pense, récemment une récompense de la ville de Liège, si je dis pas de conneries. Pas citoyen d'honneur ou un truc comme ça. Ouais, quand même, pas mal. On verra, on verra. Petite hallucination auditive de 21h27 sur KIF. Je vous propose de redécouvrir un son sous un autre angle. Maintenant que je vais vous dire ça, vous l'entendrez plus jamais de la même façon. On aime tous The Weeknd. Ouais, j'ai déjà peur. The Weeknd avec I Feel It Coming. Ouais. Avec ce bel accent. Oui, bah. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Bah, une hallucination auditive. T'entends pas? Non, non? Non, pas du tout là. Ah, elle fait du camping. Ah ouais, elle fait du camping. De très loin, oui. Ouais. J'ai pas dit que c'était forcément bon. Hein. Moi, ouais, de très loin, oui, il y a un délire de... Ouais, moi, j'aime bien. Elle fait du camping, ok. Un dernier petit coup, moi, j'aime bien. Elle fait du camping. Oui, ça marche. Bon, c'est noté. Vos vocaux arrivent 02 315 10 15. C'est le numéro pour laisser tous vos messages vocaux. Et nous insulter. On parle, oui, aussi, de nos jeux vidéo d'enfance. Oui. C'est un truc voilà, qui nous a tous marqué. Moi, je vous dirai le mien d'ici la fin de l'émission. Toi, Kix, tu veux jamais commencer? Bah non, je commence pas, moi. Je me fais prude. C'est pas cool, c'est pas cool. Oh, je me garde, je me réserve pour la fin. C'est ça, ouais. Quel est, toi, ton jeu vidéo qui a marqué toute ton enfance? Alors, en soi, j'en ai un peu plusieurs. En fait, j'en ai pas un en particulier. Quoique, j'ai beaucoup joué sur ma petite PSP au Simpson. C'est pas une PSP que t'as éclaté? Si, mais ça c'était par rapport à un autre jeu, ça encore. Non, mais ça m'est arrivé qu'une fois, c'était un jeu de, ouais, d'une espèce de petite voiture téléguidée, j'en sais rien. Ouais. Et en fait, à chaque fois, je perdais au même endroit, et bam, coup de boule dans le. Clac. J'étais très con. Oui, et le résultat? Eh ben, résultat, je l'ai caché parce que je ne vous ai pas trop montré que j'avais cassé ma PSP. Oh, elle était cassée? Ah, ben oui, fissure en. Enfin, pas en deux, mais tout l'écran était pété, oui, complètement. Un peu plié, quoi. Ah, oui, non, mais on ne savait plus rien faire avec, c'était vraiment pour jeter. J'adore. La rage quand ça nous prend. Ah non, je crois que j'ai été traumatisé par Zidane, à mon avis, ça doit être un truc comme ça, avec son coup de boule. Donc, c'était quoi au final le jeu Alors, au final, donc, j'ai beaucoup joué, comme je dis, au Simpson. Sur Simpson. Au Simpson, oui. Il y avait un jeu Simpson. Et sinon, il y a un autre jeu que j'ai beaucoup joué, qu'on parlait tout à l'heure, c'est GTA. Et j'avais de la chance, j'avais un bon moniteur qui était à côté de moi. C'était moi le moniteur d'auto-école. C'est le petit Jadoul. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très fort là-dedans. Ouais, mais quand moi je le laissais jouer, le problème c'est que j'étais en stress, je suais. Attention, tu vas l'écraser. Oh, mais tu l'as fait mal, il faut pas appeler l'ambulance. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu vois, ici c'est un jeu, tu fais ce que tu veux. Mets-toi ton cul. sympa. Tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Ah ouais. Mais non, mais c'est vrai, moi je trouvais ça important de respecter. T'sais, mais c'est vrai que moi je suis un bon citoyen, je pense. Oui, bah, oui, on va dire ça. Voilà. Hein, Je veux pas enfreindre les règles. Tu vois, s'il y a des règles, bah, je les respecte. Faudrait demander aux personnes extérieures ce qu'elles en pensent. C'est vrai, vous, est-ce que vous connaissez des gens qui ont respecté sur GTA toutes les limitations de vitesse, les trottoirs Je pense que déjà il y a un degré déjà pour arriver à ce niveau-là. Ah bah au moins ça prouvait déjà que j'étais un peu taré dans ma tête. Non, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Bon, ça marche toujours pas. Comment on fait écouter les vocaux? Bon, on va réparer ça dans un instant. Il y a Monique qui va venir faire son vocal. Monique. C'est bon, tu peux rentrer, on a de la place. Jean-Michel est parti. C'est bon. C'est quand même impressionnant. Vous devriez voir en studio ce. Voilà, on va pas trahir un secret. Jean-Michel. Faut pas le balancer. C'est un peu de symbole précurseur d'une bipolarité. Enfin, j'ai ça, je dis rien. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Jennifer Lopez maintenant sur KIF. Branché sur KIF, bonjour, bonsoir. Dès 20h, c'est Jadoul et son équipe. Ça manque juste un peu de quelques poulettes ici, mais bon, on va faire ça. Hein. On a écouté un peu vos messages vocaux qui arrivent sur le 02 315 1015. Y a quelqu'un qui a été assez marqué par le jeu FIFA. Ah bon? Ouais, FIFA, ça a marqué les esprits visiblement. Ça a commencé quand FIFA, on sait? Non, j'ai pas l'info là directement. Pas l'info. Non, mais c'est chaque année en soi. Mais là, t'as pas le jeu FIFA en fait. Non, jeu, j'ai FIFA, j'ai le vrai FIFA en fait. T'as la fédération, voilà. C'est ça. Attends, je regarde ça, je te le dis directement. Tape jeu FIFA, voilà. Comme ça, on aura l'info. Non, ouais, c'est vrai, il y en avait d'autres. C'était Sonic aussi pour beaucoup de gens. Sonic, moi ça m'a pas parlé. J'ai pas joué du tout à Sonic. Bon, oui, c'est vrai, ça fait longtemps Sonic. 02 315 1015, on écoute vos messages vocaux. N'hésitez pas, hein, parce qu'on reçoit des messages textes, mais en vocal, c'est mieux, comme ça on peut les écouter en direct à la radio. Si vous avez envie que votre voix passe en plus à la radio, c'est l'occasion. Il y a un FIFA qui va carrément jusqu'à 1997, hein, pour te dire. Ah ouais? Oui, donc voilà, il y en a. Si je dis pas de conneries, je pense qu'on a découvert la semaine dernière que Stromae allait intégrer la bande-son du jeu FIFA. C'est oui, possible ça? C'est possible. C'est possible, je dis c'est pas possible. De conneries. C'est une radio à la base de. D'information. C'est à peu près possible. On c'est sait à pas. Peu près. On va lui demander. Attends, voilà, je vais l'appeler. Oui, dis, ouais. Tu sais pas faire ça exceptionnellement pour nous. Stromae, tu le ferais bien pour nous, allez, s'il te plaît, quoi. Non, mais on fait cette émission parce que. Et le magou. De parler au public. C'est sûr. Ça, c'est nous ce soir. Je pense que si on devait résumer en un vocal notre émission, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Au moins, ici, on se prend pas au sérieux. On va vous parler d'un truc de fou. C'est Facebook. Alors, bon, je sais pas si vous êtes encore un peu présent sur Facebook, vous, mais. Moi, si. Moi, plus du tout. Bah, ouais, c'est vrai que je suis plus sur Instagram. J'hésite à mettre, tu vois, en photo de couverture, un désert avec le ballot de paille comme ça qui roule. Tu rigoles, hein, mais j'ai complètement supprimé ma photo de couverture. Ah ouais? Oui. Donc en soi, j'y vais de temps en temps juste pour voir un petit peu ce qui se passe, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu moins. Il faut retourner et ouais. Dire ah, tiens. Mais c'est vrai qu'en fait toute la population sur Facebook a vieilli et les jeunes n'y vont pas. Les jeunes sont sur TikTok, sont encore fortement sur Snapchat, alors que je pensais que pas du tout. Moi je pensais que c'était j'aime pas du tout Snapchat. Ouais, non, on s'en fout, mais je le dis. Ça a mal vieilli. Et donc tout ça pour dire que Facebook, ça se ressent. C'est quand même très compliqué pour eux. Ça fait quelques années qu'ils sont en dégringolade en termes de notoriété, et donc forcément, s'ils ont moins de gens, c'est moins rentable. Ouais. Alors en conséquence, la priorité est désormais de diminuer un maximum les frais chez Facebook. Évidemment, il y a des victimes. Hein. Et qui sont les premières victimes? Tout ce qui est employé et tout ça, tous ceux qui travaillent pour la chaîne. Alors, pour éviter d'aggraver la situation, Meta, donc la société mère de Facebook, essaye de rester le plus discret possible parmi les GAFAM pour pas que ça s'ébruite trop. Mais on peut quand même souligner que la moindre erreur pourrait coûter très très cher. Parce que d'une part, il y a une compagnie qui fait un licenciement agressif, ça peut mettre pas mal par terre le moral des employés. Ouais. Et surtout, ils seront dans l'attente. Ouais. Ils seront en mode, mais est-ce que ça va me tomber dessus? C'est dans toutes les boîtes, hein, les restructurations, les périodes un peu compliquées. Et d'une autre part, ça peut créer une sorte ça détruit l'image complète en fait de la société en fait. C'est ça. Donc ça veut dire que de l'extérieur, ils vont dire oh putain, Facebook c'est ça. Donc en gros, ils doivent faire vraiment attention à la façon dont ils vont devoir agir pour pas se faire avoir, t'es une société qui va mal et qui était aussi grosse que Facebook, c'est ça. Tu stresses un peu, hein, c'est pas, je pense que c'est un peu les pressions équivalentes à un président, hein, en gros. Là, le mot président, quand t'es CEO de Facebook, je pense que ça porte bien son nom. Alors bon, bref, en théorie, ça devrait normalement être un retour honnête à des réalités économiques pour Facebook bientôt. C'est une affaire à suivre. Il y a des gens qui se font virer. C'est ce que vous voyez partout dans les articles en ce moment si vous êtes un peu dans l'actualité connectée. On suivra ça de près. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas une fuite de talent qui va faire que l'application sera de moins en moins bien développée dans le bon sens. Et j'espère surtout qu'ils ne vont pas juste essayer de continuer à copier tous les autres réseaux sociaux. Ouais. Parce que ça va être très compliqué. On espère qu'ils vont essayer de remonter justement. Et peut-être de réengager, mais bon, ça serait un peu bizarre de mettre des gens à la porte pour réengager après. C'est le problème de pas mal de choses sur Internet en fait. Oui. C'est à la mode. Oui, un certain temps. Très fort. Il faut faire durer quoi. Tout un temps et ça s'essouffle vite. Regarde l'effet Snapchat, l'effet TikTok. Je pense qu'on va vivre dans 2 ans un désintérêt global de TikTok parce que les gens vont dire putain, mais ça me prend beaucoup trop de temps. J'y passe des heures. Ouais, bah c'est parce qu'en soi, tout est passé de base Facebook, c'est tout ce qui était texte, un peu d'image. Ensuite, il y a eu Instagram où c'est vraiment l'image. Et là, donc maintenant, ils ont mis des stories sur Facebook. Voilà, et maintenant on est vraiment dans tout ce qui est vidéo et tout ça. Donc c'est pour ça que TikTok fonctionne très bien pour l'instant. Quoi. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Dites de tout, Jordan. Pas chez Forain ici. Oh, quoique. Ce que je te propose de faire, c'est dans un instant notre blindclet. Si tu dois résumer le blindclet, c'est quoi? Le blindclet, ben en gros, on essaye de donner des bonnes réponses. C'est ça. En fait, c'est un blind test, mais. Par rapport à des questions. C'est pas des extraits classiques qu'on écoute, c'est pas une musique classique en mode qu'est-ce que c'est? Putain d'époque! J'ai payé mes impôts et j'ai pris mes médocs. Ah, je sais, c'est l'UJPK. Bah oui, c'est facile, c'est lui-même qui chante le son. Là, ce sont des TikTokers mais qui sont très aggravés. Ils vont vraiment très très loin. Ils sont forts. Le 20h22h. Oui, je fais aussi Forain en intérim. Sur KIF, on est généreux et on a décidé d'aider des petites radios parce que l'air de rien, KIF, de par sa force et de sa notoriété, peut un peu donner aux autres radios. Et je vous propose qu'on partage l'antenne désormais avec Radio Falminioul. On se connecte à eux, enfin on commute. Hein. KIF revient dans 2 minutes. Hein. Hop. Ouais, on est là. Bienvenue, vous écoutez Radio Falminioul. Une radio familiale, en famille. Nous essayons de vous faire passer toutes nos émotions auditives. Je suis avec Gaston. Bonsoir Gaston. Gaston, mets tes dents. Voilà. Voilà, j'ai mis mes dents. Est-ce que tu sais quel disque qu'on va jouer dans quelques instants? Pas du tout, Claudie. On a reçu le dernier single, comme on dit, pour être à la mode. Le dernier single. Je vais vous le mettre, il s'appelle Ridessa. Là, c'est dingue. C'est encore... Il est ridé comme nous, c'est des Ridessa. Non. Il faut pas de ma gueule, hein. Ritza qui arrivera dans quelques instants, mais d'abord une petite coupure publicitaire. Vous possédez un espace vert, boisé ou forestier privé. Vos arbres nécessitent un entretien ponctuel ou occasionnel. Vous cherchez le professionnel rompu à tous les travaux de bûcheronnage capable de vous donner entière satisfaction. Clarisse Bowens, forte de 15 ans d'expérience, avec un matériel adapté à toutes les situations simples ou complexes, c'est un précieux partenaire dans le domaine forestier. Sont de sa compétence. Pansement, injection, toilette, prise de sang, soins palliatifs. Travail soigné réalisé en toute sécurité dans le délai imparti et le respect de l'environnement. Pour renseignements, études et devis gratuits, formez le 0478-165-70-17-226-33. Téléphone de Clarisse Bowens. Un jour ou l'autre, vous pourrez en avoir besoin. Et je tiens évidemment à rappeler... Cette séquence n'a pas été approuvée par la direction de KIF. 22h, c'est la trappe sur KIF. Kix, je te propose quelque chose. Oui, vas-y, je t'écoute. On va faire des paris. Combien de temps avant qu'on se retire de cette radio? Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup. On retrouve Leslie maintenant en featuring Amine. Ça se passe sur KIF. Ça, c'est du vrai son. Ça, c'est du son. C'est KIF que vous écoutez. Comme promis, d'ici quelques instants, on aura l'occasion de jouer. Vous pouvez aussi jouer de l'autre côté de la radio avec notre grand jeu, le Blindclet. C'est un blind test, mais très mauvais, avec que des gens mauvais. Très, très mauvais. D'ailleurs, c'est le mot-clé qu'il faut taper sur Internet pour trouver les covers qu'on va entendre dans quelques instants. Il y aura de tout. Hein. Il y aura du Hamza SCH aussi. Ah, c'est con ça, je viens de donner une réponse. C'est très con même. Le mec a pas compris. Attends, vas-y, on fait genre de rien. On fait genre de rien, je le garde pour après. Ouais, c'est ça. Non, mais quel animateur radio en carton donne les réponses comme ça sans s'en rendre compte? Bref, bon, c'est pas grave, il y aura un arrive qu'ici. En tout cas, que des artistes KIF. Quoique, il y en a deux qui sont pas KIF. Voilà, ça c'est un bon indice. Bon, on joue à ça dans quelques instants, vous restez avec nous. On revient juste après ça. Mon jeu préféré, enfant, c'était Mario Bros. Mario Bros? Ouais, Mario Bros. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent à ça. Mais j'ai joué qu'à ça, c'est ça le problème. J'avais une cartouche dans la Game Boy. C'était Mario ça. Bros, ouais, tu l'as ouais. Séché. 22h22, c'est la trappe sur KIF. Des gars, moi je sais pas faire ça, des voix off. J'ai juste imité le rire de François Damiens, à la limite. Tiens, fais bien. Il est l'heure de jouer, c'est le Bruxelles à l'appel maintenant, 21h54, vous tombez bien. Si vous aimez la bonne chanson et les bons interprètes, ce n'est pas ici qu'il faut être, mais en revanche, si vous voulez entendre les pires de TikTok, c'est ici que ça se passe. Ah. Je vous rassure, il y aura du bon son dans quelques instants. Hein. Un vrai son, genre Beyoncé, qui est prévu sur KIF. Et puis juste après, à partir de 22h, il y aura KIF Classics. Mais là, ça va être autre chose. Là, ça va être choquant. C'est la parenthèse. Kix, t'es prêt? Vas-y. Je ferme les yeux, je me concentre. Voilà. Je vais essayer de te faire deviner le premier truc. Tu dois me trouver l'interprète. Ok. Le titre, c'est mieux. Ouais. Mais l'interprète avant tout. C'est pas donné à tous les humains. Je l'ai. De pardonner déjà les mauvais chemins. Kenji. C'est qui? Ah, Kenji. Kenji avec. Il est tout seul, non? Oui, merci. Mais le titre. Je l'ai plus. C'est ça le titre? Non. Attends. Tu l'as pas? Non. Bon, c'est simple, c'était. Évidemment, bah oui. Et selon Nico Musique Passion, ça donne ça. Évidemment, on pleure un peu. Là, sur son piano. Pour mieux s'aimer. Plus fort, plus fort. Être à deux, c'est pas donné. Ah, quel bonheur. Évidemment. Énorme. Deuxième de ce blind test, je vous propose de vous concentrer parce qu'on le tourne ici sur KIF. Tu passais toute la night sans compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où, cette life me met. Je disais toute la tête, je crois que je touche le ciel, je fade up. Alors, je passe à fade up avec SCH et Hamza. Zegp. Le vrai, c'est Zegp. Ouais, le refrain, ça donne ça en piano. Ouais, c'est un délire. Je vous rappelle que la semaine dernière, Jean-Michel nous avait interprété Fade Up, mais à sa manière, c'était encore un grand moment de radio. C'est aussi gênant, ce Jean-Michel. Il est pas gênant, en fait, c'est un peu le tonton bourré qu'on a à la fête et tout. Bref, si vous venez vous brancher sur KIF, faudra être là mercredi prochain, si on est toujours là, dès 20h, parce que Jean-Michel, c'est quand même quelqu'un, quoi. Là, il dort à cette heure-ci. Ah, il faut pas le louper. C'est quelqu'un. Suivant titre, je te propose de bien te concentrer. Elle fait partie notamment des grands classiques de KIF. Allez, oui, facile. Tu l'as pas? Attends. Attends. Balance tout ce que t'as en tête. J'avais Pink qui est passé en tête. Pink, mais c'est pas Pink, c'est dans la même idée, c'est le même truc. Non, ça ne vient pas. Tant pis. En plus, je connais. Hein. Bon, il faut être culte pour ne pas connaître ça, mais le nom, voilà, comme d'hab. Je te mets le refrain, peut-être que ça va te donner des idées. C'était Rihanna. Ah, j'adore. Ça paraît tellement simple. En plus, le pire, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, la musique, tu connais. C'est pour ça, moi, j'ai toujours été nul en blind test et en blindclet. Ouais, en plus, c'est que la musique, je la connais. Mais oui. Mais moi, j'aime bien cette chanson quand elle fait son Because. Ouais. Je trouve ça, c'est fou, mais c'est la force de Rihanna. Voilà, c'est mon petit kiff perso. Suivant. Oh là là, stéréo. Oula. Ah, c'est nous ce soir. Elle est très très bien, hein. Elle s'appelle Lord VI18. Ah bon, c'était pas Lady Gaga? Non, mais c'est une bonne réponse. Moi, je la trouve folle. Sympa. C'est pas qu'elle entend pas ça. Non, mais folle dans le sens positif. Ah, oui, okay. Moi, elle me met l'ambiance. Attends, parce que dis-toi que déjà, Lady Gaga, à mon avis, pour sortir cette note. Ouais. Elle y met les tripes. Ah, il faut y mettre tout son cœur. Mais tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Non, dis-moi. Enfin, je sais pas si c'est le cas, hein, mais on dirait, tu sais, les personnes qui chantent, mais avec un casque ou des écouteurs et du coup qui ne s'entendent pas chanter. Ah oui, oui, quand t'es tout seul dans ta voiture et que. Exactement. Et que tu chantes. Ouais. Tu dirais que c'est ça, ouais, non? Ouais, c'est un peu ça en fait. Je pense qu'en fait, elle avait pas de retour, elle a enregistré, elle a publié ça sur TikTok et elle s'est pas réécoutée. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est que l'explication qu'on a. C'est parti. Ça, c'est pas du tout un artiste KF ce qui arrive. Ok. C'est vraiment. Tu vois KF? Oui. Bah, retourne-toi. C'est là-bas. Allez, je te souhaite bonne chance. Voici Valeria Sick. Toi, mon frère, dis-moi pourquoi. Si, la vie continue mais... sans moi. Dis-moi pourquoi j'étais oui, là. Oui, Calogero. Calogero? Bonne réponse. Les cafés, les cinémas. Ah, je trouve ça génial, moi. Un jour au mauvais endroit. Alors? Et c'est parce qu'ils étaient là. Un jour au mauvais endroit. Merci madame. Mais non, mais c'est fou de chanter à blanc comme ça. Moi j'aurais au moins mis une petite instru, tu vois. Histoire au moins d'avoir un petit fil conducteur, quoi. Déjà les artistes à cap ils n'osent pas le faire. Alors ça je trouve ça très couillu. Je me le remets juste une fois parce que j'aime vraiment sa montée. Un jour. On dirait une porte. Une petite sorcière. Attends, j'ouvre le coffre. Ah ouais, ça fonctionne. Attends, je pense qu'il y a l'alarme du bâtiment qui s'est mise à sonner. Attends, j'ai marché sur le pied du patron. Non, là, si tu marches sur le pied du patron, je pense juste que c'est. Voilà, hop, terminé, bonsoir. Rideau, fin d'émission. Voilà, bah, c'était le Blindclet. On remet ça, si tout va bien, la semaine prochaine. Et on va garder cette séquence. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime bien aussi. C'est un petit tour sur TikTok. Et alors, figure-toi que. Voilà, j'anime cette émission. Ah bon? Je peux l'avouer. Enchanté, bienvenue. Je suis... Non, c'est pas ça que j'allais avouer. C'est plutôt que je n'ai pas de compte TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Je n'ai pas. À mon avis, ça va faire comme Instagram. Tu vois, je vais arriver 4 ans après tout le monde. Je vais faire. Ouh! Grosse ambiance! Bah écoute, moi j'ai TikTok, mais le truc c'est qu'en fait il est juste désert. Donc j'y vais pas. Du coup, j'ai TikTok pour un jour et je le supprime, puis j'y vais plus durant X mois. Le Bruxelles à la paix, elle arrive dans un instant, il est 22h. On déborde un peu sur KF Classics. Vous ne nous en voudrez pas, la section d'assaut, tout ça, la fouine. Will Smith arrive dans un instant, vous restez avec nous. 22h, c'est la trappe sur KF. Dis tes gars, moi je sais pas faire ça, hein, des voix off. J'ai juste imité le rire de François Damien, ça à la limite. Tu sais, me fait bien. Si, on sent lasse pas. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KF. Je vous ai entendu, ça va. Je vous propose de faire le Bruxelles à l'appel pour clôturer cette émission super à la bourre. Avant de vous laisser dans les mains de KF Classique, c'est les meilleurs sons qu'on fait l'histoire de cette radio. C'est du direct, ouais, hein, on peut quand même déborder un peu. Bon, écoute, on se fait plaisir. Attends, mais on va se le dire sincèrement, combien de radios sont en direct à cette heure-ci? C'est vrai. Ça se compte sur les doigts d'une main. Franchement, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est pour ça, au moins, si on fait des bafouillages ou des trucs comme ça, au moins c'est en direct. Oui, et surtout ils sont complètement désolidarisés de cette émission chez KIF. Hein. Ouais, on est tout seul, on est arrivé là, on a ouvert le studio tout seul. Et puis normalement, théoriquement, on est obligé de diffuser ce jingle à chaque séquence. Cette séquence n'a pas été approuvée par la direction de KIF. Mais on vous l'affiche pas. Voilà, et on a un C4 tous les jours après la porte. On se fait réengager chaque semaine. On les collectionne semaine. En fait. Oh, on ça aime coûte ça. Cher en avocat. Bon, je vous propose qu'on fasse notre Bruxelles à l'appel. C'est simple, il suffit d'avoir de la culture à l'appel. Ah, on m'appelle en direct. J'espère que c'est une bonne nouvelle. J'en réponds juste après. C'est boss de la radio, donc la police. Si c'est important, il va rappeler. Ah, et je décrocherai. Bruxelles à l'appel pour clôturer cette émission. C'est ça, ça. Ah non, il assiste. Ouais, je pense qu'on a peut-être déclenché l'alarme avec nos. Ouais, il faut expliquer d'ailleurs. Ah oui, en fait, ça veut dire que on est nouveau, hein, on connaît pas du tout les locaux de cette radio. Donc pour vous, de l'autre côté de la radio, c'est-à-dire qu'on arrive dans des nouveaux locaux, on sait pas du tout qui, quoi, comment. Et il s'avère qu'à partir d'une certaine heure, il y a une alarme qui se met toute seule en route sur les fenêtres. Donc il faut que pour 21h30, toutes les fenêtres soient fermées. Voilà. Il est 22h04. Je sais pas. Mais ça, c'est à cause de l'histoire de la chaussette et de l'odeur. Mais oui, mais c'est parce que ça puait dans ce studio, qu'il fallait aérer. Je sais pas, il y avait des gens qui ont transpiré, mais voilà, donc il a fallu un peu. Toi, tu vas te faire des ennemis, toi. Oui, mais il n'écoute plus à cette heure-ci. Allez, c'est parti. On démarre le Bruxelles à l'appel. La culture doit répondre à l'appel, sinon tu te prends un coup de. Belle. Allez, c'est parti. On tente le coup et je vous propose qu'on démarre un chrono de 30 secondes. T'es prêt? Oui. Et j'essaie de gérer mon téléphone qui sonne de partout. Là, c'est le coup. J'espère que c'est pas important. Allez, c'est parti. On démarre. Voici la première question. On ne répond que par vrai ou faux. On en est là. Le premier article vendu sur eBay était un pointeur laser défectueux. Faux. Tu dis faux? Eh ben c'était vrai. Il était grimpé jusqu'à 14 dollars. Le premier pourriel, un spam, vendait du faux Viagra. Faux. Tu dis faux? Bonne réponse. Le boulier a été inventé par les Incas, le boulier. Vrai. Tu dis vrai, et c'est faux. On doit le arrobas dans les adresses de courriel email grâce à une faute de frappe. Le courlet me dit vrai. Le courlet. Le courriel. Le courlet me dit vrai. Un courriel, mais qui dit ça? Un courriel. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit j'ai faute de frappe, vrai ou faux? C'est quoi la bonne réponse? J'ai dit ça. Bon alors, hop, c'est faux. C'était faux la réponse, tu m'avais dit vrai. Bon, voilà, je te propose qu'on inverse les rôles. C'est pas gentil, c'est moi. Pose des questions. Tu veux m'enlever des points, toi, je te vois. Hein. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti alors. Le transistor a été inventé au début de la Seconde Guerre mondiale pour permettre la communication entre les sous-marins. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Eh ben, c'est faux. Ok. Ben, tu commences bien. Le nom de l'entreprise Google a pour origine le terme mathématique Gogol. Ça, je le sais, Google, c'est vrai. Pardon. C'est vrai. C'est vrai? Eh ben, c'est vrai. Effectivement. Bill Gates a commencé sa carrière en tant que livreur chez IBM. Vrai ou faux? Ah, ce serait fort, hein. J'ai envie d'y croire, oui. Eh ben, c'est faux. Parfait, merci. Les premiers sites web présentaient des graphiques, mathématiques fort détaillés. Vrai ou faux? Les premiers sites des graphiques mathématiques, je dirais non, faux. Eh ben, c'était faux. Bonne réponse. Merci. Eh ben alors, qui gagne? Cette phrase était particulière. C'était faux. Bonne réponse. C'est vrai que c'est toujours bizarre quand on fait un vrai ou faux et qu'on répond vrai, faux et bonne réponse. D'ailleurs, on est toujours un peu perturbé. C'est un vrai faux. Comment? C'est ça. Vrai, c'est faux. C'est faux. D'accord. Bon, qui a gagné? Bon, je pense qu'on a fini. Bah oui, on a fait le tour. Hein. Voilà, on n'a plus de feuilles, on n'a plus rien à raconter. Voilà. On recommence. Là, je vous propose qu'on laisse l'antenne. Hein. On en a assez fait pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Trappe. Si on nous laisse rentrer à nouveau dans cette trappe, on espère qu'on aura des vrais jingles. On n'a pas eu l'occasion de lire tous vos messages vocaux et les écouter à l'antenne, mais on peut se rattraper la semaine prochaine. Bien sûr. Il y aura encore un nouveau thème. Parlez-en à vos amis, faites venir des gens. La Trappe, ça continue et ça va être très très sympa. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette semaine? De passer une bonne semaine. Oui, c'est ça. Éviter non, mais d'avoir les grèves. Train, des transports. Voilà. C'est ça, parce qu'on rappelle que t'as mis combien d'heures pour venir de Namur à Bruxelles? Oh là, j'en ai mis 3. 3 heures. 3, 4 3 heures. 3 heures. Et combien de bus? 4. 4 bus. 4 bus. 4 bus. En sachant qu'il faut chaque fois descendre, prendre une autre correspondance, etc. Enfin, ça me fatigue rien que de l'entendre. Et avoir des sous dans la poche. Et avoir des sous, c'est mieux pour payer le gars du bus, sinon il te laisse pas rentrer. Ah non, sinon il te fout un coup de pelle. C'est ça. Bon, on vous laisse avec KIF Classics pour cette soirée. Ils sont là avec tous les meilleurs sons qui ont fait l'histoire de KIF. C'est jusqu'à minuit. On se retrouve mercredi prochain. On vous embrasse bien fort. Bisous. Très glauque. Ouais, c'est très glauque. Ouais, ça me rappelle la meuf qu'on a eue au début de l'émission, tu vois, qui faisait des gros bisous. Attends. En tout cas, un grand merci. Je vous fais d'énormes bisous. Ouais, on va se quitter là-dessus, je pense. Ouais. Hein, c'est le mieux. La Trappe revient mercredi prochain. Vous faites sans moi, les gars. Moi, c'est la fin de mon intérim ici. Hein.